petit moi qu'a coûté. Ou fait moi découvrir en le mélodie pour danser ou qu'a coulé à dans venon moi. Oh, mon petit ou j'a passé, mais ou pas qu'a jamais démonté. Nous toujours la qu'attendre pour nous vibrer, pour nous voyer monter. Ouh, faut nous dépenser. Mais c'est un sentiment. C'est un sentiment qui fait que nous toujours qu'à swinguer. C'est yeah, yeah, yeah. Oh, non, non. Pour vous, on continue à gommer. Pour y'a pas oublier. Pour nous, force et puis courage. C'est le médicament qui a bâti le moral. C'est qui dit en nous qui a voyagé. Laisse nous traverser, non mais là pour nous livrer. Car on fait, dis-moi tout ça, dis-moi. Les nous nostalgiques, c'est vous qui n'y les mots. Si nous en soirée, nous qu'à coller serré. Nous pas qu'à m'en déplice, qui ça? Parce que nous besoin à bouger. Fais nous danser, on tire trop. C'est vous qui n'y les mots, les nous nostalgiques. Faut nous danser, coller serré. Parce que c'est ça seulement nous qu'à vendre. Pour toujours là pour être tout bon.